En Corée du Sud, les autorités militaires lancent massivement des navires de combat portant ouvertement le drapeau de la troupe onusienne qui est maudite seule à l'écoute de son appellation et le drapeau damné symbolisant la Corée du Sud jusqu'à l'aval du fleuve Han au-delà des eaux du point chaud dans la mer de l'Ouest sous couvert de la soi-disant opération du fleuve Han pour, selon elle, contrôler les activités de pêche illicites d'un tiers pays. Quant à l'aval du fleuve Han, c'est un endroit auquel les forces militaires du Nord et du Sud n'ont jamais pris accès jusqu'à aujourd'hui, après l'armistice en 1953. En fait, à la mi-mai déjà, les autorités militaires ont formé le groupe d'opération constitué de l'infanterie de la marine et des forces armées de combat spécial de l'armée de mer, et à partir du 10 juin, elles ont lancé la grande flotte mobile constituée des navires de combat et des hélicoptères pour faire intrusion à tout moment à la ligne de démarcation maritime de notre côté, sur toute étendue des eaux du point chaud dans la mer de l'Ouest et du Sud, y compris l'île de Yeonpyeong. Avant le commencement de l'opération du fleuve Han, les troupiers américains en Corée du Sud avaient expliqué dans une notification la soi-disant justesse de leur démarche à Panmunjom à l'aide d'un haut-parleur.